s'effondrer ensemble vers l'écoliberté. Par Jem Bendel. Chapitre 5. Effondrement du climat et défaillance en cascade. Pourquoi devrait-on détruire l'économie pour éviter un réchauffement climatique de seulement 2 degrés? Cela ne peut pas être la raison des restrictions. Ils veulent juste nous contrôler. Avez-vous entendu ce genre de discours récemment? Moi oui, y compris venant de personnes qui avaient auparavant exprimé des inquiétudes au sujet de l'environnement. Et ce, malgré les catastrophes climatiques récentes et sans précédent qui ont frappé le Pakistan et d'autres pays. Si un tel scepticisme sur le réchauffement climatique peut se répandre aujourd'hui, c'est en partie dû à de graves problèmes de communication. Or, la communication stratégique est l'un de mes domaines de spécialité que j'ai exploré en tant que professeur ainsi que comme conseiller politique. Alarmé par la persistance des arguments s'opposant à une action climatique audacieuse, j'ai décidé de me pencher sur la communication climatique et de partager avec vous ce que je considère comme 3 énormes erreurs. Quand les scientifiques nous disent que la planète s'est réchauffée de 1,2 degrés Celsius, quel est notre ressenti réel? Intuitivement, nous pensons peut-être aux températures maximales quotidiennes, pour lesquelles 1,2 degré de plus ne représente pas grand-chose. Nos sentiments pourraient changer quelque peu lorsque nous réalisons qu'il s'agit d'une moyenne pour la nuit et le jour, l'été et l'hiver, sur la Terre comme sur la mer. Mais nous n'avons toujours pas de point de comparaison. Par exemple, on pourrait nous dire que la température moyenne du globe était de 13,6 degrés en 1850 et qu'elle atteint 15 degrés actuellement. Sans cette information supplémentaire, n'est-il pas compréhensible que les gens ne ressentent pas la vérité des changements dramatiques déjà en cours, surtout lorsqu'ils et elles sont confrontés à des politiques qui affecteront leur coût de la vie? Parfois, même les experts s'embrouillent avec ces moyennes et émettent des affirmations farfelues, selon lesquelles l'agriculture pourrait faire face à une augmentation moyenne de la température mondiale de 15 degrés. Ce qui, soit dit en passant, correspondrait au climat actuel du Sahara occidental. Pour moi, l'humanité se trouve déjà dans une situation de crise et de tragédie mondiale. En seulement 200 ans, l'activité industrielle a augmenté les températures mondiales d'une quantité équivalente à 20% de la fourchette totale dont notre espèce a fait l'expérience depuis que le premier Homo sapiens a marché sur la Terre il y a plus de 200 000 ans. Il s'agit d'un afflux d'énergie qui perturbe les systèmes météorologiques, endommageant à la fois la nature sauvage et l'agriculture. Cela se produit à un rythme sans précédent. Depuis 50 ans que je suis sur Terre, notre planète s'est réchauffée 170 fois plus vite qu'elle ne s'est refroidie au cours des 7000 années précédentes. Pendant le reste de ce siècle, la température devrait augmenter des centaines de fois plus rapidement que lors de n'importe quelle période de réchauffement au cours des 65 derniers millions d'années. Les écosystèmes ne peuvent pas évoluer assez rapidement pour faire face à ce rythme de changement. Si l'on trouve tout cela choquant, c'est bien normal. Cependant, en édulcorant les dernières données scientifiques, les tendances en matière d'émissions et les limites de la technologie, certaines expertes font douter les gens de leurs émotions. On peut comprendre leur volonté de ne pas faire perdre espoir et de nous garder concentrés sur les changements à effectuer, mais ce type de positivation climatique du public est à la fois trompeuse et contre-productive. Trompeuse, car le réchauffement de l'atmosphère est inévitable en raison de la quantité de chaleur supplémentaire déjà présente dans les océans et de la quantité de carbone présente dans l'atmosphère. En réponse, certaines affirment que des technologies telles que la capture directe du CO2 dans l'air peuvent être utiles. Toutefois, leur faible efficacité et leur forte demande en énergie sont de tels problèmes qu'il n'y a pas de quoi être rassuré. En outre, des recherches récentes ont réfuté l'argument selon lequel la croissance économique peut être suffisamment découplée de la consommation de ressources et de la pollution pour que l'économie mondiale puisse continuer à croître sans occasionner de terribles conséquences. Il est également contre-productif de laisser entendre que les défenseurs et défenseuses du climat sont en train de devenir trop négatifs et négatives ou fatalistes. La recherche psychologique, comme les témoignages des militants et militantes, prouve que l'anticipation d'un avenir difficile n'est pas démotivante. Au contraire, des études montrent que ce qui est véritablement démotivant, c'est en fait de croire que les machines, les entrepreneurs et entrepreneuses, et les dirigeants-dirigeantes vont tout régler à notre place. Des alertes, comme le récent rapport United in Science, publié par plusieurs agences des Nations Unies, pourraient aider à faire reculer la positivation. Mais à mesure que les impacts s'aggravent, que la concentration de carbone augmente dans l'atmosphère et que les données scientifiques deviennent plus alarmantes, nous courons le risque d'une nouvelle erreur dans la façon dont les dirigeants-dirigeantes pensent au climat et en parlent. Souvent, lorsque les personnes au pouvoir se rendent compte que les systèmes qu'elles administrent sont endommagés ou menacés, elles réagissent par des décisions draconiennes qui ne font qu'aggraver la situation. Par exemple, elles prennent des mesures brutales pour faire régner l'ordre public à la suite de catastrophes ou désignent des boucs émissaires pour détourner l'attention d'elles-mêmes. Avec le climat, cette panique des élites pourrait-elle à l'avenir inciter les dirigeants et dirigeantes à restreindre les libertés individuelles afin de paraître plus décisifs, décisives? Cela pourrait entraîner une résistance massive dans la population qui pourrait alors considérer l'action sur le climat comme synonyme de coercition plutôt que de collaboration. L'avenir de la communication sur la crise climatique doit plutôt se concentrer sur la mission suivante: libérer chacun et chacune d'entre nous des systèmes qui nous poussent à nous dédouaner de nos responsabilités et à les rejeter sur d'autres et sur les milieux naturels. Reconnaissons et travaillons avec le fait que la plupart des gens veulent faire ce qui est nécessaire au bien collectif, quand les circonstances ne les forcent pas à faire autrement. Et communiquons mieux sur les raisons et les moyens de réduire les contributions au réchauffement de la planète avant que la moyenne mondiale dévastatrice de 2 degrés ne soit atteinte. J'ai écrit ces mots dans un article à l'approche du sommet sur le climat de 2022 en Égypte, auquel je participais pour promouvoir un programme alternatif à une politique climatique façonnée par l'appât du gain des entreprises, comme c'est le cas actuellement. Des années auparavant, alors que j'en étais encore à penser que les habitués de Davos pourraient être utiles sur les questions climatiques, le Forum économique mondial, FEM, avait publié plusieurs de mes articles de blog. Mais je n'ai pas été surpris lorsque les rédacteurs et rédactrices ont rejeté celui-ci, sans explication. La version que j'ai soumise au FEM contenait la phrase suivante, pour parler directement aux lecteurs et lectrices habituels du blog. Certains, certaines pensent que les élites mondiales et leurs institutions, y compris le Forum économique mondial, ne feront jamais partie d'une réponse positive à une crise, y compris celle de l'environnement. Fin de citation. Je l'ai jugée non pertinente pour la version publiée par résilience.org. Si je commence cette discussion sur la situation de notre climat et ce qu'elle signifie pour l'humanité et la vie sur Terre, en partageant cet article et son rejet par le FEM, c'est parce que je veux parler directement du problème qui a miné la possibilité d'action sensée. En résumé, les préoccupations climatiques sont détournées par des autoritaires et des profiteurs-profiteuses venus du monde des affaires, de sorte que des politiques inefficaces et contre-productives sont mises en œuvre. Cela génère alors des réactions brutales contre toute forme d'action concertée sur cette question cruciale. Comme nous l'avons vu au chapitre précédent, l'histoire ancienne montre que lorsque le climat change rapidement, cela peut causer des ravages au niveau de l'approvisionnement en eau et en nourriture, accroître la propagation des maladies et entraîner des guerres et des migrations massives. Bref, cela peut contribuer de manière significative à l'effondrement de la société. Il n'y a pas lieu d'ignorer ou de minimiser la question du changement climatique, qui est désormais rapide, ni d'en faire un enjeu politique, ni d'y voir une occasion de gagner de l'argent. Ce sujet ne doit pas non plus nous effrayer et nous enrager au point de nourrir des sentiments misanthropes et de proposer des réponses autoritaires. Dans ce chapitre, je reviendrai tout d'abord sur les bases du réchauffement climatique. En effet, je constate la persistance d'un scepticisme quant à la nécessité de prioriser cette question dans l'élaboration des politiques publiques. Par ailleurs, certains oublis de la part des climatologues des institutions dominantes ont faussé la manière dont nous comprenons et réagissons à cette tragédie en cours pour la vie sur Terre. Je décrirai pourquoi ce réchauffement représente une telle menace pour l'humanité, à la fois directement et en contribuant à la rupture des autres fondements des sociétés modernes. J'évoquerai certaines des dernières données scientifiques qui montrent à quel point le changement climatique pourrait devenir catastrophique et m'attarderai sur le caractère contre-productif des réponses apportées par les élites. Bien que toute la seconde moitié de ce livre soit consacrée à ce qu'il convient de faire face à la situation sociétale inextricable dont ce changement est un élément crucial, je proposerai quelques idées initiales avant d'aborder, au chapitre suivant, l'une de ses principales conséquences, à savoir l'effondrement du système alimentaire. Un retour au béaba de l'effet de serre. Incontestablement, à cause de l'être humain, la concentration des gaz à effet de serre carboné, GES, dans l'atmosphère a augmenté depuis le début de la révolution industrielle. Et ces gaz sont un facteur important de l'augmentation des températures moyennes de la planète. Au cours de cette période, le taux de dioxyde de carbone a augmenté de 50% et celui du méthane de 100%. L'effet de serre, par lesquels de tels gaz piègent le rayonnement thermique dans l'atmosphère, est un phénomène simple qui peut être démontré expérimentalement en laboratoire. Quiconque nie l'existence de cet effet ou son rôle dans l'évolution des températures mondiales est à peu près aussi bien informé qu'une personne croyant que le soleil est une grosse ampoule que Dieu allume tous les matins. Si notre monde fonctionne de la sorte, c'est parce que tout ce qui existe naturellement est en équilibre dynamique. Dire que le dioxyde de carbone n'est pas un problème parce que c'est un élément naturel est aussi logique que de dire que l'inondation qui a démoli une maison n'est pas un problème parce que l'eau est naturelle. La question est toujours celle de l'équilibre et du déséquilibre. Dire que le dioxyde de carbone n'est pas un problème parce qu'il ne représente qu'une infime partie de l'atmosphère reviendrait à dire que les chlorofluorocarbures CFC sont des gaz sans importance parce qu'ils représentent une fraction encore plus petite de l'atmosphère, bien qu'ils détruisent la couche d'ozone et augmentent les niveaux de radiation dangereuse dans les hautes latitudes. Dire que les niveaux de dioxyde de carbone ne sont pas un problème ou que les températures plus élevées ne sont pas un problème parce que tous deux étaient beaucoup plus élevés dans le passé, c'est prétendre que la vitesse du changement climatique n'a pas d'importance pour les écosystèmes, comme si les arbres pouvaient simplement se lever et commencer à marcher vers le nord. Et dire que le changement climatique n'a pas d'importance pour les pauvres, c'est faire preuve d'une ignorance crasse de la façon dont les changements climatiques entraînent déjà davantage de personnes dans la pauvreté, la malnutrition, la migration et même les conflits, comme nous le verrons dans le chapitre suivant. Les GES carbonés ont peut-être joué un rôle mineur, par rapport à d'autres facteurs, dans l'évolution des températures mondiales avant la révolution industrielle. Cependant, en raison des quantités importantes et non naturelles de ces gaz qui ont été libérés par les êtres humains modernes au cours des 200 dernières années, ils sont l'une des raisons pour lesquelles les températures mondiales augmentent plus rapidement depuis les années 1970. Les scientifiques contestant l'idée que le dioxyde de carbone joue un rôle important en la matière avancent généralement des arguments qui ont été démentis ou qui n'ont rien à voir avec l'effet cumulatif. Par exemple, ils et elles prétendent que l'effet de serre n'a pas d'influence significative sur les températures parce que les mouvements des masses d'air déterminent les climats locaux en dehors des tropiques. Cela ne tient pas compte du fait que la chaleur supplémentaire tôt ou tard, est transportée à travers la planète, ni de la façon dont la chaleur transportée par les océans réchauffe l'Arctique plus rapidement, ce qui réduit alors la puissance du courant de jet causant des oscillations de ce dernier. Cela génère des extrêmes de température, de sécheresse et d'humidité depuis l'Amérique du Nord jusqu'à l'Europe et au nord de l'Asie. Ces gens affirment également que tout réchauffement supplémentaire est renvoyé dans l'espace par divers processus, l'effet Iris, bien qu'une analyse détaillée de l'énergie entrante et sortante de la Terre ait démontré que cela ne s'est pas produit au cours des 15 dernières années. Les sceptiques, quant à l'importance du rôle des GES carbonés par rapport au climat, prétendent aussi que les interactions de ces derniers avec la vapeur d'eau et les nuages sont trop complexes pour considérer ces gaz comme un problème important. Il existe effectivement une réelle complexité et nous devons accorder plus d'attention à ce qui provoque une augmentation de la vapeur d'eau et une diminution des nuages. Mais la théorie selon laquelle une augmentation de dioxyde de carbone réduirait la concentration en vapeur d'eau ou augmenterait la couverture nuageuse, ce qui diminuerait tout effet de réchauffement, a été réfutée de manière expérimentale. L'un des principaux arguments des personnes qui nient ou réduisent l'importance du dioxyde de carbone dans le changement climatique s'appuie sur les archives paléontologiques. Ces dernières indiquent qu'avant l'influence humaine sur l'environnement, les températures moyennes mondiales ont généralement augmenté des centaines d'années avant que le dioxyde de carbone atmosphérique commence à grimper. Ce fait montre que, avant l'influence humaine, le dioxyde de carbone n'était pas un facteur instigateur du réchauffement climatique. Toutefois, cela ne réfute pas qu'il ait bel et bien un effet de réchauffement, ce qui est déjà prouvé par une multitude d'autres données et expériences. Maintenant que les êtres humains ont modifié l'atmosphère, ces modifications pourraient devenir un nouveau facteur influençant le climat mondial. Lorsqu'on prend pleinement en compte la manière dont les GES carbonés pourraient amplifier tout réchauffement planétaire causé par d'autres facteurs, il y a de quoi s'effrayer. Je reviendrai là-dessus plus loin dans ce chapitre. Quand les médias grand public se focalisent sur ces gaz, on peut perdre de vue la complexité des processus climatiques. Les sceptiques ont donc la possibilité de remettre en question les caractérisations erronées du climat et du réchauffement planétaire. Par exemple, les GES carbonés ne sont pas les seuls facteurs qui influencent les températures moyennes à l'échelle mondiale, de nos jours comme dans le passé. Parmi divers facteurs importants, il y a aussi l'orbite de la Terre, les rayons cosmiques, l'activité solaire, l'activité volcanique, les grands courants océaniques et la vapeur d'eau dans l'atmosphère, et donc la couverture végétale. Je ne peux pas entrer dans le détail sur chacun de ces facteurs dans ce chapitre. Cependant, il est essentiel de comprendre certains d'entre eux, car leur influence a pu se faire sentir lors de changements récents et pourrait aussi affecter le futur proche, parallèlement à l'effet de serre. Nous devons donc les prendre en compte dans toutes nos évaluations de risques et réflexions politiques. Malheureusement, ce sujet est aujourd'hui si clivant qu'une attention nuancée à de multiples facteurs ouvre la porte aux attaques et aux dénigrements. Mais après 5 ans passés à subir des critiques fondées sur des représentations erronées, je cherche moins à être respecté par celles et ceux qui ont un public à satisfaire. Je peux donc vous faire part de mon sentiment sur la situation. S'il y a un facteur majeur d'influence sur le climat qui a été largement négligé par la climatologie, les activistes et les mesures politiques, c'est bien celui de la couverture végétale et ses effets sur le cycle hydrologique. Les températures locales, les températures moyennes mondiales et les conditions météorologiques inhabituelles sont toutes influencées de manière significative par cette couverture végétale. En effet, la vapeur d'eau est le gaz à effet de serre le plus important, dont on sait qu'il contribue jusqu'à 70% de l'effet de serre total, tandis que le CO2 n'y contribue qu'à hauteur de 30%. Lorsque la vapeur d'eau se transforme en nuages, elle ne cesse pas seulement de réchauffer l'atmosphère, mais les nuages réfléchissent le rayonnement entrant et libèrent de l'énergie en altitude qui est renvoyée dans l'espace, ce qui refroidit l'atmosphère. Cela ne remet pas en cause l'effet des taux actuellement problématiques des GES carbonés, notamment en raison des rétroactions amplificatrices qui se produisent entre les augmentations de ces gaz et la vapeur d'eau. Toutefois, cela devrait nous inciter à réfléchir davantage à la manière dont l'activité humaine a réduit la couverture nuageuse et donc augmenté les taux de vapeur d'eau, par la manière dont nous avons détruit les forêts autour du globe à un rythme sans précédent. En effet, les forêts dégagent des bactéries et du pollen, qui forment des noyaux de condensation permettant à la vapeur d'eau présente dans l'atmosphère de se transformer en nuages. Elles créent également des remontées momentanément plus intenses d'air humide, ce qui entraîne aussi la formation de nuages. C'est l'une des raisons pour lesquelles les scientifiques ont trouvé des corrélations entre les changements de température liés à la déforestation dans le bassin amazonien et la quantité de précipitations neigeuses jusqu'au plateau tibétain. Cet effet pourrait expliquer pourquoi c'est dans les années 1970 qu'a commencé la période la plus rapide de réchauffement planétaire, lorsque les taux de déforestation ont explosé en raison de l'expansion de l'agriculture, de l'exploitation minière et de l'étalement urbain lié à la mondialisation de l'économie. Grâce aux efforts des défenseurs-défenseuses de l'environnement, ces taux ont diminué au cours des 15 dernières années. Et une partie de cette reforestation pourrait avoir influencé les moyennes de température mondiale dès 2017. L'effet probablement crucial de la couverture forestière sur les températures mondiales nous rappelle à quel point les systèmes naturels de la Terre sont interconnectés et complexes, et à quel point il est imprudent de faire entièrement confiance à la modélisation informatique. Par exemple, où s'arrête le climat ? Nous venons de voir que les forêts en font partie. Lorsque les sols s'assèchent, ils libèrent du carbone, de sorte que le climat ne s'arrête pas non plus à la surface des sols. Malgré les tentatives de modéliser bon nombre de ces relations, certaines ne sont jamais prises en compte. Les excréments de poissons en sont un exemple. Ces déjections se déposent au fond de la mer, où le carbone est emprisonné pendant des millénaires. Selon certaines estimations, il représenterait 20% de la fixation du carbone dans les océans. Ce processus a été fortement affecté par la décimation des stocks de poissons dans le monde entier. Le caca de poisson, lui aussi, fait donc partie du climat. Pensons aussi aux menaces qui pèsent sur le phytoplancton fixateur de carbone, en raison de la pollution par les produits chimiques et les microplastiques que nous avons examinés dans le dernier chapitre. Le climat ne s'arrête donc pas non plus à nos poêles anti-adhésives ou à nos poubelles. Tout est lié. Et pourtant, sans un philosophe comme Charles Eisenstein, remarquerait-on l'hybris caractérisant les hypothèses séparatives et réductionnistes au sein des courants dominants de la climatologie? Ce qui nous fait défaut, c'est une compréhension différente de notre relation avec le monde naturel et des systèmes économiques et politiques qui rendraient possible cette compréhension, ce que nous explorerons dans la seconde moitié de ce livre. Les variations de l'activité solaire continuent elles aussi d'affecter les températures mondiales, à la fois directement et par le biais de leur influence probable sur les courants océaniques. Elles ne devraient donc pas être totalement exclues de notre analyse de l'évolution des températures mondiales. Malheureusement, certaines personnes sceptiques vis-à-vis du changement climatique d'origine humaine ont exagéré le rôle qu'a l'activité solaire, à l'heure actuelle, dans l'évolution des températures moyennes mondiales. Par conséquent, ce sujet est devenu une patate chaude. Les taches solaires affectent à la fois le rayonnement sur Terre et les niveaux de formation des nuages. Plus il y a de taches solaires, moins il y a de nuages. De ce fait, les températures de surface sont plus élevées et les océans se réchauffent davantage. La baisse de l'activité des taches solaires depuis 2015 pourrait avoir contribué à une stabilisation momentanée des températures mondiales de 2017 à 2021 au niveau plus élevé qui a été principalement causé par les gaz à effet de serre, qui incluent les gaz carbonés et la vapeur d'eau. Les effets des taches solaires sur les températures atmosphériques sont parfois décalés dans le temps quand ils s'effectuent par le biais du réchauffement des océans. Certains de ces effets sont susceptibles de se produire en l'espace de 2 ans seulement, et d'autres en plusieurs siècles. Les courants marins profonds de l'océan Pacifique ont un effet immédiat sur les températures mondiales, le phénomène La Niña ayant atténué les températures en 2021 et 2022. En ce qui concerne la surface de notre planète et ce qui détermine son climat, on devrait plus précisément parler de planète pacifique que de planète Terre. Malheureusement, nous sommes revenus à une période d'activité solaire plus élevée depuis 2021 et à une période El Niño dans le Pacifique à la fin de 2023. Cela s'ajoute à un niveau de température augmenté par tous les gaz à effet de serre. Résultat, les climato-sceptiques, tout comme les adeptes des prédictions conservatrices dominantes sur les réchauffements climatiques futurs, risquent de se trouver choqués par des températures sans précédent au cours de l'année 2024. Pour les effondristes aussi, Doomster, ces événements seront bouleversants, mais nous serons peut-être mieux à même de les accepter. Voir le chapitre 12. Empressée de transmettre au public et aux décideurs, décideuses politiques un message simple sur les dangers du réchauffement climatique, certains, certaines climatologues ont pu commettre des erreurs dans leur présentation des données et ouvrir ainsi la porte au scepticisme. Par exemple, l'un des principaux auteurs de la section concernée d'un rapport du GIEC a utilisé des données provenant des cernes des arbres pour effectuer une reconstitution des climats passés. Dans cette étude, une période chaude médiévale, par ailleurs largement observable, était dépeinte comme peu significative. Lorsque cette personne a été critiquée pour son oubli de cette période plus chaude, des voix dominantes ont proclamé que cette période n'était pas globalement synchrone, bien qu'elle ait été enregistrée dans le monde entier. Une étude des températures passées de l'océan Pacifique a estimé qu'il y avait eu un réchauffement significatif au cours de cette période, ce qui indique également qu'il s'agissait d'un phénomène mondial. Plutôt que d'affirmer que la période chaude médiévale n'a pas existé en tant que phénomène généralisé, elle nous apporte seulement la confirmation limitée que cette période chaude ne s'est pas produite avec les effets amplificateurs potentiels de niveaux relativement élevés de GES carboné. Les températures ont donc pu baisser à nouveau en quelques décennies, permettant à de nombreux écosystèmes de survivre et de se rétablir. Les écosystèmes de la planète étaient bien plus préservés qu'aujourd'hui, et la végétation était capable de générer les nuages nécessaires pour faire baisser les températures. Contrairement aux affirmations erronées des climato-sceptiques, notre planète est déjà aussi chaude qu'elle l'était pendant la période médiévale, et il est prévu que les températures continuent d'augmenter. Cependant, une sélection arbitraire des données semble s'être produite, peut-être de manière à permettre de nier l'existence de ce phénomène, plutôt que d'analyser les raisons pour lesquelles il s'est produit et s'est révélé tolérable. Cela a eu des conséquences néfastes en fournissant du grain à moudre aux négationnistes de la situation actuelle. En raison de la complexité des facteurs qui influencent le climat mondial, la quantité de GES carboné dans l'atmosphère ne constitue pas un thermostat planétaire que l'humanité peut régler à la hausse ou à la baisse, contrairement aux récits et même aux affirmations explicites véhiculées par les climatologues des institutions dominantes. Outre les facteurs évoqués ci-dessus, il existe une autre raison pour laquelle ces gaz ne ressemblent pas à un thermostat planétaire. Le décalage dans le temps du réchauffement. Comme la majeure partie de la chaleur supplémentaire absorbée par la planète Terre en raison des GES carbonés et de l'activité solaire est d'abord retenue dans les océans, l'effet de réchauffement est retardé dans l'atmosphère et sur les continents. Dans les termes si intelligents des gens sérieux de la NASA, je cite, « Les retards dans la température de surface dus à l'inertie thermique des océans implique que la réponse transitoire est toujours plus réduite que la réponse à l'équilibre. » Fin de citation. En outre, les GES restent dans l'atmosphère pendant des années après leur émission, ce qui entraîne un effet de réchauffement différé. Cela signifie que les émissions passées de GES ont entraîné un certain réchauffement qui est engagé, quoi qu'il arrive. Comme l'ampleur exacte de ce réchauffement futur dû aux GES carbonés existants est incertaine, il n'a pas été pris en compte dans le consensus sur le réchauffement futur établi par les rapports du GIEC. Cette décision convient aux scientifiques qui veulent maintenir l'idée que les niveaux de ces gaz sont comme un thermostat, Si on les baisse, on réduit le chauffage. C'est peut-être la raison pour laquelle certaines climatologues ont attaqué, sur les réseaux sociaux, la critique que je faisais de l'utilisation abusive des résultats de la modélisation informatique sur le réchauffement engagé, visant à suggérer que l'avenir n'est pas si sombre. Il est regrettable que certaines personnes choisissent d'insinuer, voire d'affirmer carrément, que quiconque critique certains aspects de la climatologie dominante n'est pas scientifique, mais plutôt biaisé, méchant, méchante, à la solde des Russes, ou influencé par des théories de complot paranoïaques. Si le fait de souligner l'évidence que le dioxyde de carbone n'est pas un thermostat planétaire peut susciter l'hostilité de certaines expertes, c'est parce qu'ils et elles se considèrent comme partie prenante dans une guerre de récits dont l'enjeu est l'avenir de la vie sur Terre. Ils et elles supposent, à tort, que toute critique revient à prendre l'action climatique moins au sérieux au lieu de la prendre davantage au sérieux et de l'inscrire dans un programme d'action plus large. Ce programme plus large comprend la réduction de tous les GES, y compris le dioxyde de carbone et le méthane, mais aussi la vapeur d'eau, ce qui peut être réalisé en mettant l'accent sur la régénération de la nature sauvage et en orientant davantage l'agriculture vers l'agroforesterie. C'est en train de se produire, et c'est grave. Il est très complexe de mesurer et modéliser l'ensemble du système terrestre, et cela conduit à s'appuyer sur une grande variété d'évaluations et d'opinions. Selon de nombreuses scientifiques, ces estimations sont effectuées avec une confiance inappropriée, due au processus de consensus du GIEC. Face à cette complexité, pour comprendre ce qui se passe réellement dans l'environnement, nous pouvons nous tourner vers un point qui révèle le résultat des divers facteurs en interaction, l'élévation du niveau de la mer à l'échelle mondiale. Le GIEC accusait autrefois un retard sur ce point en raison de sa méthodologie. Par exemple, en 2007, les données satellitaires montraient une augmentation du niveau de la mer d'environ 3,3 mm par an. Pourtant, cette année-là, le GIEC a proposé 1,94 mm par an comme point le plus bas de son estimation de la fourchette d'élévation future du niveau de la mer. Oui, vous avez bien lu, c'est inférieur à ce qui se passait déjà, écrivais-je dans le manuel d'Extinction Rebellion en 2019. C'est comme si vous aviez déjà de l'eau jusqu'aux genoux dans votre salon et qu'à la radio, la présentatrice météo vous disait qu'elle n'est pas sûre que la rivière va sortir de son lit. J'ai découvert que lorsque les scientifiques ne parvenaient pas à se mettre d'accord sur l'ampleur de l'augmentation du niveau de la mer due à la fonte des calottes glaciaires, ils et elles avaient tout simplement laissé les données de côté. C'est tellement médiocre que c'en est presque drôle. Une fois que j'ai compris que les rapports du GIEC ne pouvaient pas être considérés comme une parole d'évangile climatique, j'ai examiné de plus près certaines questions clés. Rétrospectivement, je comprends mieux pourquoi, quelques mois plus tard, des climatologues ont coordonné leurs efforts en passant par des intermédiaires pour me dénigrer en tant que commentateur sur les questions climatiques. Mais je poursuis encore et toujours mon travail, et il demeure important de se concentrer sur l'accélération de l'élévation du niveau de la mer. Établie en moyenne à 1,5 mm par an au cours du XXe siècle, elle s'est accélérée pour atteindre environ 2,5 mm par an dans les années 1990. Et dans les quelques années précédant la publication de ce livre, elle a atteint plus de 3,9 mm par an. Comme je l'ai écrit dans mon article Deep Adaptation de 2018, cela indique que des changements non linéaires pourraient déjà être à l'œuvre dans le système terrestre, qu'il s'agisse de changements de température dans les océans, de la fonte des glaces sur Terre, ou des deux. Une telle non-linéarité indiquerait que des rétroactions amplificatrices se produisent déjà, ce qui signifierait que l'humanité ne peut probablement pas influencer de manière significative le changement climatique futur. De nombreuses personnes minimisent les données relatives à l'élévation du niveau de la mer parce que ce phénomène s'exprime en millimètres et qu'il n'affecte pas encore beaucoup de monde. Mais cela les mène à ignorer sa qualité d'indicateur indirect de changement secouant le système tout entier, qui sont tout simplement effrayants. Du fait de l'inertie du système climatique et des changements climatiques qui ont déjà eu lieu, la fonte du Groenland, à elle seule, entraînera probablement une élévation du niveau de la mer de 27 cm à l'échelle mondiale. Cette dernière pourrait même atteindre 78 cm si la fonte telle qu'elle s'est produite en 2012 devenait habituelle. Mais d'autres sources terrestres sont aussi à prendre en compte, ce qui signifie que l'élévation globale du niveau de la mer sera probablement deux fois plus importante. Et ce, avant même de prendre en compte le réchauffement engagé du système ou la calotte glaciaire de l'Antarctique occidentale, qui pourrait soudainement se détacher et provoquer une élévation bien plus importante encore. De toute manière, l'élévation du niveau de la mer commence déjà à avoir des effets locaux dévastateurs, notamment sur les petits États insulaires. Il faudra des décennies pour qu'elle ait un effet significatif sur la civilisation humaine en général, et elle se poursuivra pendant des milliers d'années après toute potentielle stabilisation ou réduction des températures moyennes de la planète. Par conséquent, il est déjà certain que de nombreuses villes et terres agricoles côtières seront compromises avant même la fin de ce siècle. En résumé, le climat se réchauffe. Les GES carbonés en sont un facteur clé. Ce réchauffement est susceptible de se poursuivre. Et il causera des problèmes majeurs d'élévation du niveau de la mer dans quelques décennies. Pour la plupart des gens qui acceptent ces faits, la question naturelle qui leur vient est de savoir quels autres problèmes potentiels cela implique pour l'humanité en général ou pour la vie sur Terre et avec quel degré d'urgence. Malheureusement, tout cela est déjà une très mauvaise nouvelle pour la biodiversité mondiale, comme nous l'avons vu au chapitre précédent. Alors que les augmentations lentes des températures mondiales sur des milliers ou des dizaines de milliers d'années peuvent conduire à une plus grande biodiversité, par exemple à la présence d'éléphants dans l'Arctique, des changements plus rapides des températures, tels qu'un degré Celsius en un siècle, peuvent endommager les écosystèmes, car il est difficile pour eux de s'adapter à des changements aussi rapides. Les dommages peuvent se manifester de différentes manières. La première est la perte d'habitat, lorsqu'un endroit devient trop chaud, trop humide ou trop sec pour les espèces en place, qui ne peuvent alors pas se déplacer assez vite ou assez loin pour retrouver un habitat adéquat. Une autre est la modification de schémas saisonniers finement équilibrés, tels que la floraison et la migration, ce qui entraîne des situations où les insectes ne peuvent pas remplir leur rôle de pollinisateurs et où les oiseaux ne peuvent pas se nourrir. Les phénomènes météorologiques plus fréquents et plus extrêmes de toutes sortes ont un impact direct sur toutes les formes de vie, soit en les tuant, soit en dégradant leur état de santé et en réduisant leur succès reproductif. L'effet cumulatif, loin d'être purement théorique, peut être observé aujourd'hui sous la forme de l'anéantissement biologique ou de l'extinction de masse actuelle, sur lesquels il existe un consensus scientifique. Il résulte en partie de changements climatiques récents et rapides. En outre, contrairement à la destruction des habitats par l'activité humaine, le changement climatique constitue un problème insoluble qui ne peut être résolu que par des mesures prises partout sur la planète, ce qui en fait la menace la plus omniprésente et la plus durable pour la biodiversité. Il est donc assez incongru que des climato-sceptiques comme l'universitaire Jordan Peterson affirment avec désinvolture que la nature pourrait faire face au réchauffement climatique si l'humanité assurait une bonne conservation des milieux naturels. Les changements climatiques rapides qui affectent les températures moyennes, les extrêmes de température et les régimes de précipitation nuisent non seulement aux écosystèmes naturels, mais aussi aux systèmes agricoles et aux nappes phréatiques. Il ne s'agit pas d'une simple théorie puisque nous l'observons déjà, comme j'en reparlerai plus en détail dans le chapitre suivant. L'un des impacts les plus préoccupants sur lequel je reviendrai est la manière dont le changement climatique réduit la force des courants de jet, entraînant ainsi des conditions météorologiques plus variables, non saisonnières et extrêmes, menaçant d'affecter les régions exportatrices de céréales simultanément. En outre, le secteur des assurances fait état d'une montée en flèche des demandes d'indemnisation pour des dommages liés aux conditions météorologiques, qui ne peuvent être expliquées par de mauvaises décisions en matière d'aménagement du territoire. On sait également que les changements climatiques localisés sont à l'origine de migrations et de conflits, deux questions sur lesquelles nous reviendrons au chapitre 7 lorsque nous aborderons le rôle du climat dans la désolidarisation des sociétés. Il semble donc que les sceptiques fassent preuve d'un aveuglement volontaire lorsqu'ils et elles affirment que les changements climatiques actuels et futurs ne sont pas très importants. Certaines d'entre eux affirment avec insouciance que l'être humain est capable de s'adapter, puisque nous pouvons déjà faire face à la chaleur et au froid en changeant de vêtements ou en mettant l'air conditionné, ignorant ainsi les dégâts que les extrêmes et la variabilité peuvent occasionner pour l'agriculture et les écosystèmes. D'autres font des déclarations farfelues sur la façon dont l'agriculture serait capable d'affronter une augmentation de la température moyenne mondiale de 15 degrés en méconnaissant manifestement la science fondamentale, comme je l'ai mentionné au début de ce chapitre. Certaines prétendent que la chaleur et le dioxyde de carbone supplémentaire profiteront à l'humanité et à la nature grâce à un verdissement global et compenseront le problème perçu des émissions de carbone. Aucune de ces affirmations n'est scientifique. Premièrement, il est prouvé que les plantes qui poussent plus rapidement en raison de l'augmentation du dioxyde de carbone sont moins nutritives pour les animaux, y compris les humains. Deuxièmement, le carbone temporairement stocké dans les plantes retourne facilement dans l'atmosphère par décomposition ou par le feu, et les conséquences à long terme sont donc beaucoup moins positives. Troisièmement, l'effet de verdissement est limité par la disponibilité du phosphore et se produisait avant que le changement climatique n'endommage considérablement les écosystèmes, ce qui risque de transformer davantage de forêts en sources nettes de carbone. Cela a amené certaines scientifiques à conclure en 2019 que l'effet avait déjà pris fin. Quand la climatologie échappe aux climatologues. Des études indépendantes sur l'approche éditoriale du GIEC, menées par de nombreuses scientifiques au fil des ans, ont montré que cet organisme excluait systématiquement certaines des analyses les plus préoccupantes. C'est pourquoi un grand nombre de ces projections de 2007 se sont révélées en deçà de ce qui se produit à présent dans les années 2020. Selon certaines analystes, cette approche a été privilégiée par les responsables du GIEC, qui souhaitaient que les conclusions des travaux du groupe paraissent applicables pour les gouvernements et leurs puissantes industries. Du fait de cette réticence, de nombreuses personnes, dont je fais partie, n'ont pas réalisé à quel point la situation climatique devenait préoccupante, bien qu'elles aient travaillé pendant des décennies dans le domaine de la durabilité. Une autre conséquence de cette réticence est que les chercheurs-chercheuses qui se sont fait connaître en allant plus loin que le GIEC, comme moi depuis 2018, ont été taxés d'être non professionnels dans le meilleur des cas. Malheureusement, cela crée des obstacles aux discussions qui doivent réellement avoir lieu dans la société. Le sixième rapport d'évolution AR6 du GIEC, publié en 2023, démontre que la climatologie dominante a rattrapé son retard sur presque tout ce que j'ai décrit dans mon article Deep Adaptation de 2018, un article qui était considéré par certains et certaines journalistes, climatologues de l'establishment et environnementalistes professionnels comme trop alarmiste à l'époque. Par exemple, j'ai eu raison d'affirmer que, malgré le nombre insuffisant d'études évaluées par des pairs sur le phénomène de l'élévation du niveau de la mer, celui-ci était plus élevé que les projections antérieures du GIEC et qu'il y avait même des signes d'augmentation du taux d'élévation. Le rapport AR6 reconnaît désormais que les taux récents sont sans précédent au cours des 2500 dernières années et qu'ils ont augmenté rapidement. J'ai eu raison de souligner que de nombreux puits de carbone, comme les forêts, se transformaient en sources de carbone, ce qui aggravait le pronostic et rendait la situation moins contrôlable. J'ai aussi eu raison d'observer que les impacts sur la cryosphère, les océans et les écosystèmes étaient déjà plus intenses que ce qui avait été prévu pour cette période de l'histoire et avec ce niveau de réchauffement climatique. Il était également raisonnable d'avertir que des boucles de rétroaction qui se renforcent d'elles-mêmes semblaient susceptibles de bientôt créer des points de basculement qui rendraient la situation incontrôlable. J'ai aussi prédit que le monde ne réduirait pas les émissions de GES suffisamment pour rester dans les limites d'un budget carbone permettant de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés. Malheureusement, cette prédiction demeure exacte 5 ans plus tard. Avec le recul, ma rupture la plus importante avec le discours dominant en 2018 était que je soutenais que les impacts du changement climatique étaient déjà présents, ici et partout, et qu'ils ne concernaient pas seulement d'autres espèces, des pays lointains et les générations futures. Désormais, il n'est plus inhabituel de souligner que le changement climatique est en train de devenir un danger proche et présent à travers divers impacts directs et indirects pour toute personne lisant ce livre. Lorsqu'ils et elles parlent des implications des rapports du GIEC, les fonctionnaires de l'ONU avancent toujours cet argument désormais. La différence est que dans mon article, je concluais que l'effondrement de la société était devenu inévitable. J'ai donné une estimation du délai lorsque j'ai écrit que les sociétés humaines connaîtront des perturbations de leur fonctionnement de base dans moins de 10 ans en raison du stress climatique. Comme j'étais novice en la matière et quelque peu sous le choc, je n'ai pas expliqué en détail ce qu'impliquerait l'effondrement de la société. Il me semblait qu'il s'agissait de dommages irréversibles et que nous ne pourrions donc pas continuer comme avant. J'ai trouvé intéressant de lire que dans le rapport AR6, le GIEC note pour la première fois que, je cite, « des impacts aux conséquences irréversibles se produisent sur tous les continents ». Fin de citation. Un changement irréversible n'est pas un recul temporaire, c'est un fragment d'effondrement. Je constate aujourd'hui que nos sociétés subissent d'ores et déjà des perturbations de leur fonctionnement de base dues au stress climatique, et j'en conclus que l'effondrement avait déjà commencé à l'époque où je faisais mes recherches, pour toute une série de raisons dont le climat est à la fois un symptôme et un facteur. Ce que je ne réalisais pas vraiment à la parution de mon article en 2018, c'est que je révélais l'ampleur des dérobades et du déni provenant non seulement des écologistes, mais aussi de nombreuses climatologues. Je n'avais pas conscience des analyses approfondies qui existaient déjà sur les raisons méthodologiques et institutionnelles de leur réticence scientifique. Je n'avais pas non plus connaissance des raisons non scientifiques justifiant l'importance excessive accordée à la modélisation informatique en climatologie. Et je ne me rendais pas compte qu'un manque de prise de conscience sur leur propre culture les avait conduites à éviter un questionnement plus critique. Ainsi, lorsque l'article Deep Adaptation et les conversations qu'il a générées ont explosé dans le monde entier, l'establishment des milieux écologistes ne s'est pas contenté de tirer sur le messager. On a carrément dégainé l'arme nucléaire. Les critiques selon lesquelles je manquais de rigueur et d'éthique ont été formulées de manière coordonnée et conçues pour me discréditer en tant que commentateur sur le changement climatique. Le but était de marginaliser l'anticipation croissante de l'effondrement de la société. Nombre de ces critiques étaient tout simplement fausses. Par exemple, au cours des quelques années précédant 2017, les températures mondiales ont augmenté si rapidement qu'elles ont même dépassé les limites supérieures des projections des modèles climatiques. après avoir mentionné ce fait dans mon article, j'ai été tournée en ridicule, à tort, par certaines climatologues de l'establishment, qui préféraient affirmer que les modèles climatiques étaient très fiables. De nombreuses critiques ont déformé le point de vue présenté dans l'article à propos du méthane. Nous y reviendrons plus loin. Sur les catastrophes nucléaires, je n'ai pas prétendu qu'elles se produiraient. Et sur l'extinction à court terme de l'humanité, j'ai simplement conclu qu'elle devenait possible. Certaines critiques ont même laissé entendre que j'étais peut-être raciste en déformant mes encouragements à apprendre des cultures autochtones qui ont dû faire face à l'effondrement de leur société dans le passé, ce que nous examinerons au chapitre 9. Les médias grand public ont largement soutenu les critiques relatives à l'anticipation de l'effondrement de la société. Des climatologues qui admettaient que l'effondrement était probable et que l'adaptation radicale avait sa place dans la palette des réponses ont reçu l'ordre de leurs collaborateurs, collaboratrices et de leurs bailleurs de fonds de couper les ponts avec cette idée et avec moi. Cette négativité a aussi pénétré les groupes activistes comme Extinction Rebellion à mesure qu'ils devenaient infectés par une déférence, typique de la classe moyenne, envers l'establishment. Cela ne reflète pas du tout l'élan initial qui animait autrefois ce mouvement. Comme je l'écrivais à l'époque, je ne connaîtrais aucun plaisir à voir mes prédictions vérifiées, car pour le bien de toutes et tous, y compris le mien, j'aimerais avoir tort. Avec le recul, je me demande quel dommage cette réaction a pu causer à l'engagement des gens sur la question du climat, y compris au sein des communautés activistes. Si vous avez été affecté par ces efforts visant à vous faire rejeter mon analyse en 2018 et à retarder toute considération sérieuse de ces implications pour quelques années, il pourrait être utile de réfléchir à ce qui, en vous, a permis que cela se produise. De cette manière, vous réduirez peut-être votre vulnérabilité aux formes actuelles et futures de manipulation. C'est un point à ne surtout pas négliger. En effet, les laquais de l'establishment travaillent au service des intérêts du capital, au sein d'une culture de la modernité impériale, pour nous décourager de nous radicaliser. Plus nous serons nombreux et nombreuses à nous en rendre compte, plus nous serons en mesure de défendre des valeurs universelles à une époque d'effondrement. C'est un aspect que j'explorerai dans la seconde moitié du livre. Quelle sera l'étendue du désastre ? La question que je me posais lorsque j'analysais les données scientifiques sur le climat en 2017 et 2018 et que les gens me posent depuis est la suivante. Quelle sera l'étendue du désastre ? Selon les personnes qui croient à l'histoire du dioxyde de carbone qui fonctionne comme un thermostat planétaire, cela dépend entièrement des mesures que nous prenons aujourd'hui pour réduire nos émissions et absorber le carbone. D'après les preuves déjà exposées ci-dessus, je pense que cette histoire est fausse. L'histoire du thermostat à carbone devient encore plus trompeuse si nous examinons, comme nous allons le faire maintenant, les dernières informations en date sur les points de basculement climatique. Les preuves indiquant un retard des taux de carbone par rapport aux augmentations de température dans la préhistoire, les réductions rapides de l'effet atténuant des aérosols et les pronostics récents sur les courants de l'océan Pacifique et l'activité solaire future. En résumé, on ne sait pas exactement à quel point la situation va empirer, quelles que soient les mesures d'atténuation que nous prenons. Cela ne signifie pas que nous ne devons rien faire pour réduire les émissions et absorber le carbone. En réalité, nous devons faire bien plus que cela, y compris adopter une série d'approches et d'initiatives que je résumerai dans un instant. Mais tout d'abord, examinons les données scientifiques qui mettent dans l'embarras celles et ceux selon lesquels l'être humain peut contrôler sa destinée en maîtrisant le carbone. La première préoccupation majeure est la quantité de boucles de rétroaction positive dans le système terrestre, c'est-à-dire d'effets qui s'auto-renforceront au fur et à mesure que le climat se réchauffe. Malheureusement, il semble qu'il y ait plus de rétroaction amplifiante que de rétroaction atténuante pour le réchauffement initial, telle que la perte de réflectivité de la surface terrestre et de la mer lorsque la glace fond, et la libération de méthane fortement réchauffant provenant de la fonte du pergélisol. Certaines de ces rétroactions ont été décrites comme des points de basculement, car les amplifications ne sont probablement pas réversibles, que ce soit par des processus naturels ou par l'intervention humaine. La complexité des processus en jeu pose problème aux méthodes réductionnistes de la climatologie et sa dépendance à l'égard de la modélisation informatique. Avec ces contraintes, des scientifiques ont conclu que certains de ces points de basculement pourraient déjà avoir été déclenchés. Il existe un désaccord important dans ce domaine. Par exemple, certaines chercheurs et chercheuses considèrent la perte de la glace de mer d'été dans l'Arctique comme un point de basculement parce qu'elle entraînerait un réchauffement beaucoup plus important des océans, un réchauffement régional et une nouvelle perte de glace sur Terre. Même si la glace de mer pourrait tout de même se reformer pendant une période hivernale à l'avenir. Ces personnes ont également calculé qu'un été sans glace rend presque certaine une année sans glace, confirmant ainsi l'irréversibilité. D'autres scientifiques ont décidé qu'étant donné que la glace de mer pourrait revenir le temps d'un été, le processus est théoriquement réversible et ne constitue donc pas un point de basculement. Je considère qu'il s'agit là d'un choix subjectif expliqué par les mathématiques plutôt que par la signification réelle de l'événement lui-même. Par ailleurs, ce choix arbitraire me paraît bien commode si l'on veut garder la possibilité de recourir au récit du contrôle thermostatique du carbone. Pour le cas où, un été prochain, l'Arctique serait libre de glace. Ce genre de décision arbitraire concernant la construction et les définitions des paramètres scientifiques, se trouve dissimulée par la terminologie scientifique, l'avalanche des données, les mathématiques compliquées et l'assurance de la prose employée par les chercheurs-chercheuses. Lorsqu'on présente des analyses gênantes sur la subjectivité de leur méthode de travail, au lieu de croire à leur prétendue objectivité, on met à mal un aspect essentiel de la mascarade. C'est la raison pour laquelle de nombreuses climatologues mainstream se sont montrés si agacés à mon égard. Ils et elles font ces choix subjectifs consciemment ou inconsciemment du fait d'une croyance sincère en leur travail, tout en mobilisant des hypothèses nées au sein de la modernité impériale, telles que l'adhérence à une éthique conséquentialiste et à des idéologies justifiant la domination humaine. L'un des points de basculement les plus préoccupants est la libération potentielle d'une grande quantité de méthane provenant de la fonte du pergélisol sur Terre. J'avais raison d'affirmer, dans mon article Deep Adaptation, qu'il existait des preuves que ce phénomène avait commencé et qu'il nécessitait beaucoup plus d'attention de la part des climatologues et des décideurs-décideuses politiques, ce qui est désormais reconnu par le GIEC. Un scénario plus catastrophique serait que du méthane solidifié provenant du pergélisol sous-marin au large de la Sibérie soit libéré lorsque les eaux se réchauffent. Par l'intermédiaire du GIEC, le courant dominant de la climatologie a conclu qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter à court terme. Cependant, certains et certaines scientifiques travaillant directement sur le sujet continuent d'affirmer qu'une libération soudaine est possible au cours de ce siècle. C'est un risque majeur, car cela provoquerait probablement un réchauffement si rapide et d'une telle ampleur qu'il menacerait d'entraîner l'extinction de l'humanité et d'une grande partie du reste de la vie sur Terre. Dans mon article, j'ai conclu qu'un tel événement était possible et que le risque était si élevé qu'il devrait attirer d'urgence l'attention sur des expériences scientifiques menées pour atténuer ce risque, telles que l'éclaircissement localisé des nuages marins. Il s'agit d'un système dans lequel les nuages seraient ensemencés au-dessus de l'Arctique à l'aide d'eau de mer pulvérisée dans le ciel. Cela pourrait ne pas fonctionner en raison de la pénétration d'eau plus chaude dans l'Arctique, mais étudier cela ferait partie du processus de recherche. 5 ans plus tard, aucune nouvelle donnée scientifique n'a permis de réduire cette inquiétude alors que les niveaux de méthane continuent d'augmenter et que les températures des eaux profondes de l'Arctique continuent de s'élever. Mes détracteurs, détractrices ont déformé mes propos sur ce sujet en prétendant que j'étais certain de l'extinction de l'humanité, ce qui n'est pas le cas, comme je l'ai expliqué au chapitre 3. Ce qui est terrible, c'est qu'on a freiné toute action sur un sujet potentiellement si catastrophique pour l'espèce humaine. Et ce, à cause des tactiques de communication de personnes en quête d'influence et de financement, et cherchant à maintenir le mensonge selon lequel l'humanité est encore totalement aux commandes si elle le souhaite. Je ne vois pas comment on pourrait finir par avoir plus de sang sur les mains qu'en contribuant à empêcher toute action contre cette menace existentielle. Malheureusement, voilà ce qui peut arriver lorsque certaines personnes, en réponse à leur anxiété extrême face à la situation climatique, essaient de se sentir importantes. Beaucoup d'entre vous ont sans doute vu le film d'Al Gore, Une vérité qui dérange. Si c'est le cas, vous vous souvenez peut-être de l'animation du graphique en crosse de hockey, où l'ancien prochain président des États-Unis s'élève dans les airs pour suivre l'augmentation du dioxyde de carbone et des températures. Je pense qu'Al Gore, son producteur, le milliardaire Chef Skoll, et le scientifique qui a élaboré ce graphique ont tous fait de leur mieux pour alerter l'humanité sur les risques que nous courons. Cependant, l'ensemble a eu pour effet de nous induire en erreur. Ce graphique, ainsi que d'autres données scientifiques, montre en fait qu'avant que l'activité humaine n'affecte l'atmosphère, le taux de dioxyde de carbone a presque toujours augmenté des centaines d'années après l'augmentation des températures moyennes mondiales. Cela vous surprend? Vous sentez-vous incrédule? Vous pensez que je suis un complotiste? Je vous recommande de vérifier cela par vous-même sur des sites tels que Skeptical Science, une ressource pour réfuter la désinformation climatique qui fait autorité auprès de la communauté des scientifiques du climat, ou dans les nombreux articles scientifiques qui font référence à cette relation. Ce que ces données nous montrent, c'est que le réchauffement atmosphérique affecte la biosphère de telle sorte qu'elle libère davantage de dioxyde de carbone, ce qui accentue encore la pression en faveur du réchauffement. Quelle est l'ampleur de cette pression? Les carottes glaciaires indiquent que par le passé, environ 90% du réchauffement planétaire a eu lieu à la suite de l'amplification par le CO2 du forçage thermique initial dû à d'autres facteurs. Cela suggère qu'il y a des émissions engagées de carbone d'origine naturelle, provenant en particulier des océans, en raison du réchauffement actuel. Certaines données d'observation actuelles, telles que l'émission de carbone par des forêts qui étaient auparavant des puits de carbone, et par des mers et océans comme la Méditerranée, sont des éléments indiquant que ce processus est déjà en cours. Cette lecture plus honnête de la relation entre la chaleur et le carbone ne remet pas en cause les préoccupations liées au réchauffement climatique actuel, bien au contraire. En augmentant les concentrations de GES carboné dans l'atmosphère d'environ 50% en moins de 200 ans, l'humanité a créé la possibilité d'un épisode catastrophique d'amplification du réchauffement qui pourrait être déclenché par d'autres facteurs, tels que l'augmentation de l'activité des taches solaires, les courants de l'océan Pacifique ou les effets actuels de la disparition des forêts sur la couverture nuageuse. Il semble que les climatologues mainstream, comme les climato-sceptiques, nourrissent une aversion pour ces données qui sautent aux yeux. Bien qu'ils et elles aiment à se considérer comme très différentes les uns les unes des autres, leur manque de sagesse critique pourrait être ce qui les réunit. Voir chapitre 8. Ces données signifient-elles que nous sommes tous fichus? Un réchauffement catastrophique est-il inévitable? Peut-être pas. Il est possible qu'un grand minimum solaire, au cours duquel l'activité des taches solaires reste faible pendant des décennies, se produisent après la fin du cycle solaire actuel, vers 2029. Cela pourrait donner du temps à l'humanité. Malheureusement, d'ici là, il est prévu que l'activité des taches solaires s'intensifie jusqu'en 2027. Nous entrons donc dans une période où le réchauffement se produit non seulement à partir d'une base plus élevée due aux gaz à effet de serre et à la perte de végétation, mais où un épisode d'amplification causé par le carbone pourrait se produire et déclencher diverses autres rétroactions amplifiant la température, faisant ainsi basculer le climat mondial dans un état plus chaud. Ces prévisions de l'activité solaire ont eu tendance à être exactes par le passé, avec de légères sous-estimations des futures émissions d'énergie du soleil. En outre, à l'heure où j'écris ces lignes, il est prévu que nous entrions dans une période de phénomène océanique El Niño qui réchauffera la planète, et nous avons réduit l'effet masquant des aérosols au-dessus du Pacifique du fait des politiques en faveur de carburants moins polluants. En effet, les efforts déployés pour réduire la pollution par le carbone ont un effet secondaire malheureux. Ils réduisent également la pollution qui atténue les rayons du soleil. Ce processus d'assombrissement global est bien reconnu par la climatologie établie. Il a été calculé qu'au total, il entraînerait un refroidissement de la température moyenne de la Terre pouvant aller jusqu'à 0,5 degrés. Les implications politiques de ce phénomène n'ont pas été pleinement discutées. Par conséquent, en 2023, nous commençons à observer l'impact des réglementations sur le carburant des navires. Elles conduisent à un réchauffement des océans au plus mauvais moment en raison du retour d'El Niño. L'une des raisons pour lesquelles je me suis rendue à la conférence COP27 en Égypte était pour sensibiliser à ce que j'ai décrit comme un paradoxe du zéro émission nette, qui causera des pics de chaleur dangereux pour les personnes vivant dans des environnements urbains des pays pauvres, incapables de se réfugier dans des bâtiments climatisés. J'ai demandé au docteur Ye Tao de l'université Harvard d'expliquer comment nous pourrions répondre à ce paradoxe, et je reviendrai sur ses idées ci-dessous. Mais notre message ne convenait pas à un programme qui avait été détourné par les entreprises du secteur de l'énergie propre, et nous avons donc été relégués à la marge du sommet. De toute évidence, comme le montrent ces multiples rétroactions, l'hypothèse selon laquelle l'humanité est en mesure de maîtriser son destin climatique, si nous prenons les devants, adoptons les politiques nécessaires et déployons les technologies requises, n'est plus étayée par la science. Malheureusement, notre situation est comparable à celle d'une personne assise dans un salon autour d'un feu de bois qui se rendrait compte que non seulement elle a alimenté le feu en petit bois, mais qu'elle a également rempli toute la pièce jusqu'au plafond avec ce même bois. Il suffirait qu'une seule étincelle un peu vigoureuse s'échappe du feu pour que le salon tout entier s'embrase autour de nous. Les GES carbonés sont le petit bois. Le feu est l'activité solaire. Et l'augmentation des taches solaires, un courant océanique El Niño ou un manque de nuages dû à la déforestation sont autant d'étincelles métaphoriques. Nous aurons peut-être la chance de vivre une période où le feu ne crachera pas trop d'étincelles et qui s'avérera suffisamment longue pour que nous puissions retirer une grande partie du petit bois encombrant le salon. Il est impératif que nous le fassions, mais à tout moment, notre salon pourrait s'embraser sous l'effet d'autres facteurs amplifiés par les GES carbonés, ce qui mènerait la planète vers un scénario super effet de serre. L'argument selon lequel la société doit mettre de côté toutes les priorités autres que la réduction des émissions, telles que la satisfaction des besoins fondamentaux de la population, le maintien de nos libertés et la gestion des environnements en faveur de la biodiversité et pas seulement séquestrer du carbone, n'est pas seulement douteux d'un point de vue éthique, mais repose sur une fausse croyance dans le rôle principal des GES carbonés et donc dans le contrôle possible de la situation de l'humanité, c'est-à-dire l'hypothèse erronée du thermostat climatique. Je comprends que cette discussion puisse être un peu déroutante. La climatologie de l'establishment a développé un rapport paradoxal au rôle du carbone. D'une part, elle exagère quelque peu le rôle du dioxyde de carbone en tant que facteur déterminant des changements climatiques actuels, et d'autre part, elle minimise un peu son rôle en tant que facteur amplificateur potentiellement catastrophique aux concentrations élevées que nous connaissons actuellement. Au risque de me répéter, je pense qu'un bref résumé de ce que je viens d'expliquer peut s'avérer utile. Allons-y. Les GES carbonés n'ont pas constitué le principal facteur de réchauffement climatique dans le passé, avant l'influence humaine, et ce réchauffement n'a pas toujours été néfaste pour la vie sur Terre. Néanmoins, l'augmentation de 50% du taux de CO2 en moins de 200 ans en fait un nouveau facteur de réchauffement important qui pose problème aux écosystèmes et à l'agriculture en raison de la rapidité du réchauffement et de sa concentration géographique inégale qui entraîne des conditions météorologiques irrégulières. Par le passé, la vie sur Terre s'est accommodée de niveaux de GES carbonés plus élevés qu'aujourd'hui. Mais la rapidité avec laquelle la concentration de ces gaz a augmenté contribue à un taux de réchauffement qui est préjudiciable aux écosystèmes et aux sociétés. La possibilité d'un épisode d'amplification catastrophique causé par le carbone rend la situation actuelle très précaire, et c'est donc à juste titre qu'elle figure en tête des considérations politiques actuelles. Que devons-nous faire? À la suite d'un tel constat, la prochaine question que je me pose et que beaucoup de gens me posent est la suivante. Que devons-nous faire? L'une des réponses les plus importantes consiste simplement à ne pas se précipiter dans des réactions de panique, ni à suivre les ordres des élites. Il faut plutôt rechercher un dialogue et une communauté pour explorer cette question, ce à quoi répondent la philosophie et la communauté Deep Adaptation. Dans les pays francophones, la communauté Deep Adaptation se réunit sous le nom d'Adaptation Radicale Francophone. Site officiel www.adaptationradicale.org. L'étape suivante consiste à replacer cette situation climatique inextricable au sein du contexte plus large des pressions exercées sur la société et des perturbations qu'elle subit, afin de pouvoir remettre la question du climat en perspective. C'est ce que je m'efforce de faire dans la première moitié de ce livre. Ensuite, nous devrions nous pencher sur les causes de cette situation difficile et sur l'absence de réaction efficace de notre part, afin de nous attaquer aux causes profondes et de ne pas commettre les mêmes erreurs dans nos actions présentes et futures. Un sujet que j'explore dans les chapitres 8, 9 et 10. Un processus parallèle à tout cela consiste à permettre à l'ampleur de la situation d'ouvrir nos cœurs et nos esprits afin que nous puissions vivre notre vie différemment à l'avenir. C'est un sujet que j'explore au chapitre 12. Ce processus peut déboucher sur la conviction renouvelée qu'il nous faut prioriser les valeurs universelles qui nous sont chères, ce que j'explore dans les chapitres 11 et 13. Cela dit, de nombreuses personnes souhaitent tout de même qu'on leur présente des idées sur ce qu'il convient de faire au sujet du climat en tant que problème isolé. Voici donc quelques pistes de réflexion sur la manière d'atténuer le problème plutôt que de s'y adapter. Pour tenter de ralentir la tendance au réchauffement rapide qui s'est manifestée au cours des 50 dernières années, il est très judicieux de réduire les émissions de GES carbonées dans l'atmosphère. Pour réduire la menace d'un épisode d'amplification de la chaleur extrêmement dangereux où les GES carbonés augmenteraient le réchauffement dû aux facteurs tels que l'augmentation des taches solaires et la circulation des courants de l'océan Pacifique, il est également très judicieux de réduire la quantité de ces gaz dans l'atmosphère. Il existe de nombreuses façons de réduire les émissions et d'absorber le carbone qui sont bien décrites ailleurs. Pour restaurer la capacité de la nature à fournir la couverture nuageuse dont nous avons besoin pour réduire le réchauffement de la planète, nous devons mettre fin à toute déforestation et donner la priorité par-dessus tout à la régénération de forêts durables et à la diffusion de l'agroforesterie partout en partenariat avec les communautés concernées. Pour réduire le danger que représente pour les pauvres la fin de l'assombrissement global, du fait de la réduction de l'utilisation des combustibles sales, nous devrions nous concentrer sur des solutions de gestion modulaire du rayonnement solaire contrôlées par les communautés locales, en particulier là où le reboisement n'est pas possible. Pour tenter de réduire le risque d'une catastrophe totale produite par la libération de méthane dans l'Arctique, nous devrions mettre en œuvre immédiatement un éclaircissement localisé des nuages marins et tester d'autres méthodes de gestion du rayonnement solaire qui soient sûres, responsables et réversibles, tout en étant résistantes aux perturbations dues à un effondrement plus large de la société. Comme vous l'aurez compris à la lecture des chapitres 1 et 2, je suis également d'avis qu'aucune de ces mesures ne pourra porter ses fruits à long terme si l'on maintient en place les systèmes monétaires expansionnistes actuels. Par conséquent, il n'est pas possible de répondre de manière significative au chaos climatique sans ce programme plus large de justice économique, dont j'explique les fondements en détail au chapitre 10. Si les réductions d'émissions et la captation du carbone parvenaient à réduire non seulement les émissions mais aussi les concentrations atmosphériques dans les années à venir, ce serait une excellente nouvelle. Toutefois, si cela se produisait, ce ne serait pas comme baisser un thermostat sur la planète Terre. D'autres facteurs, tels que l'activité solaire, les courants de l'océan Pacifique, les effets de la déforestation sur la couverture nuageuse et ceux de la toxicité croissante des océans sur le piégeage du carbone par la vie marine, pourrait aussi jouer un rôle décisif. Évidemment, j'espère que nous aurons de la chance avec ces autres facteurs, de sorte qu'un épisode d'amplification causé par le carbone ne se produise pas avant que nous ayons réduit les concentrations des GES carbonées. Mais il n'y a aucune raison de se concentrer uniquement sur cela, ou de le faire en prétendant que cela permettra à l'humanité d'atterrir en toute sécurité. Malheureusement, nous ne pouvons plus avoir la moindre certitude à ce sujet. Ce que nous savons, c'est qu'il est trop tard pour éviter encore plus de dommages gigantesques causés aux environnements et aux systèmes clés. Ces dommages aggraveront les impacts catastrophiques subis par certaines sociétés et accéléreront l'effondrement des sociétés modernes partout dans le monde. L'ampleur des dégâts ne dépend que partiellement des réponses positives de la part de l'humanité, par le biais de réduction d'émissions et de formes de captation naturelle, d'une adaptation équitable, transformatrice et profonde au changement climatique, et d'une géo-ingénierie appropriée, responsable et sûre. Elle dépend également de facteurs qui échappent à notre contrôle. Comme je l'ai dit lors du lancement de la rébellion internationale d'Extinction Rebellion en avril 2019, nous ne sommes plus maîtres, maîtresses de notre destin, si nous l'avons jamais été. Si vous êtes religieux ou religieuse, vous pouvez commencer à prier. Et comme je l'ai dit dans ce même discours, n'oublions pas que nous agissons parce que nous adhérons à certaines valeurs, et non parce que nous savons que nos actions réussiront à coup sûr. Il s'agit d'une vision non conséquentialiste de l'éthique, sur laquelle je reviendrai au chapitre 8. Cette analyse nous amène également à la question de l'adaptation au changement climatique, qu'elle soit superficielle ou transformatrice. Toutes sortes de choses peuvent être faites pour rendre les bâtiments plus résistants à la chaleur, pour modifier l'aménagement du territoire afin de réduire l'impact des catastrophes, pour changer les méthodes agricoles afin de faire face aux conditions météorologiques extrêmes, ou encore pour ajuster les efforts de la conservation afin d'aider les écosystèmes à s'adapter et les espèces à se déplacer. À la fin du chapitre 12, j'énumérerai quelques paradigmes politiques qui peuvent aider à encadrer ces discussions de politique publique. Cependant, dans ce livre, j'ai choisi d'attirer l'attention sur la difficulté de vivre à une époque d'effondrement, car cette prise de conscience invite une manière complètement différente d'envisager ce sur quoi il faut travailler. Au chapitre 12, je décrirai quelques-unes des innombrables façons dont les gens réagissent à cette prise de conscience, et au chapitre 13, je mentionnerai quelques-unes des tendances auxquelles les personnes éprises de liberté devront résister. Malheureusement, une partie de ce à quoi nous devons nous opposer émerge des réponses des élites climatiques, ainsi que des réactions qu'elles entraînent dans la population, qui sont instrumentalisées par un ensemble d'autres élites avec des intérêts bien différents. Au-delà du système contre-productif. La plupart des personnes professionnellement engagées sur les questions climatiques ne souhaitent pas que nous nous sentions affolés et que nous nous radicalisions en conséquence. Elles préfèrent nous fournir des informations qui nous feront croire que nous avons le temps de recourir à la technologie pour remédier à la situation si nous soutenons les efforts des élites sensibilisées au climat. À cause de ce récit, celles et ceux d'entre nous qui sont très préoccupés par le changement climatique ont une relation délicate avec le GIEC et ce que j'ai décrit dans ce livre comme la climatologie de l'establishment. Certaines d'entre nous se sont sentis trahis parce qu'on ne leur a pas dit la vérité, une vérité compliquée, transmise à l'état brut, et qu'ils et elles ont ainsi gâché des années de leur vie sur un programme réformiste. Le GIEC a finalement changé de ton en octobre 2018 lors de la publication d'un rapport spécial. Selon certains médias et scientifiques, il s'agissait d'un dernier avertissement pour éviter une catastrophe climatique. Selon elles et eux, les émissions devaient commencer à diminuer immédiatement et être réduites de moitié d'ici à 2030, pour avoir ne serait-ce que 50% de chances de rester en deçà de niveaux de réchauffement dangereux. Le même type d'avertissement final a été répété dans chaque rapport du GIEC jusqu'au volumineux 6e rapport d'évaluation en mars 2023. Les sceptiques commencent à faire remarquer que pour les scientifiques et les fonctionnaires travaillant au sein d'organisations établies, c'est toujours le dernier appel avant la catastrophe et c'est une raison pour ne pas les croire. On pourrait plutôt avancer que la vérité est d'un autre ordre, à savoir que nous avons déjà manqué notre dernière chance d'éviter des dommages catastrophiques et que cela ne peut pas être admis publiquement par les personnes qui travaillent au sein de l'establishment. Il existe de nombreux éléments en faveur de ce dernier point de vue. En 2009, les plus grands spécialistes mondiaux du climat ont conclu que les émissions devaient atteindre leur maximum d'ici 2020, puis diminuer rapidement. De toute évidence, ce n'est pas ce qui s'est passé. Depuis, la plupart des scientifiques qui ont fait cette déclaration publique ont soutenu la déclaration de 2022, selon laquelle les émissions doivent atteindre leur maximum d'ici 2025. Compte tenu des tendances observées à l'heure où j'écris ces lignes, cela n'arrivera pas non plus. Mais les fonctionnaires des institutions dominantes ne seront pas vaincus par la réalité. Au lieu de cela, le dépassement des limites autrefois considérées comme sûres est simplement désigné comme un dépassement temporaire afin de revenir à des niveaux sûrs par la grâce d'une allégeance magique à des technologies d'élimination du carbone inefficaces. Ces technologies prendront des ressources qui auraient pu être mieux utilisées dans le cadre d'autres réponses et utiliseront de l'énergie qui aurait pu être employée pour de meilleures activités. Elles sont en quelque sorte comme le totem d'une surmodernité superstitieuse qui rend quelques personnes encore plus riches. Il serait très difficile pour les experts-expertes travaillant au sein de l'establishment d'accepter la réalité selon laquelle les impacts catastrophiques sont de plus en plus fréquents et inévitables et qu'ils entraîneront l'effondrement des sociétés de consommation industrielle. Cela menacerait leurs revenus, leur statut social, leur identité, leur vision du monde et leur stabilité émotionnelle. Il faudrait que beaucoup d'entre elles et eux changent pour qu'un tel message surmonte les influences commerciales auxquelles sont soumis les médias, les institutions et les politiciens-politiciennes, toujours en quête de récits et de politiques qui soutiennent les efforts d'accumulation du capital. À ma connaissance, depuis octobre 2018, lorsque le GIEC est devenu plus alarmiste dans ses conclusions sur l'état et les perspectives du climat mondial, il n'y a eu aucune reconnaissance publique du fait que ces évaluations de 2007 et 2014 étaient faussement rassurantes. Il n'y a donc pas eu d'enquête sur les raisons pour lesquelles les données scientifiques les plus alarmantes disponibles dans le passé ont été marginalisées. Sans un dialogue public sur des facteurs psychologiques et institutionnels qui les ont compromises dans le passé, les personnes travaillant au GIEC n'ont pas la moindre chance de constater les erreurs qui découlent de ces mêmes facteurs aujourd'hui. Par exemple, est-ce la vision mécaniste du monde des chercheurs-chercheuses en sciences naturelles qui conduit nombre d'entre elles à s'intéresser à des machines qui ne fonctionnent pas, plutôt qu'à restaurer la capacité naturelle à produire une couverture nuageuse? Est-ce leur réductionnisme qui fait qu'elles n'ont pas su voir et communiquer que la situation climatique est le résultat du mode de vie de l'être humain moderne et qu'il faudrait le changer? Aurait-elle pu nous aider à réaliser plus tôt que l'arbre qui se trouve devant notre maison est aussi le climat, que le poisson que nous mangeons est aussi le climat, que le sol sous nos pieds est aussi le climat, et que les produits chimiques toxiques qui empoisonnent la vie des océans sont aussi le climat, au lieu de nous faire croire qu'il s'agit simplement d'un problème de pollution par le carbone? Est-ce l'idéologie de la mesure et du contrôle qui les empêche d'admettre que, même s'il n'y a pas de thermostat carbone, il faut néanmoins agir rapidement sur le climat et l'environnement pour réduire le risque de catastrophe? Malheureusement, les climatologues de l'establishment ont involontairement facilité le détournement de l'agenda climatique par les entreprises. Aujourd'hui que les pouvoirs publics ont été capturés par les investisseurs-investisseuses en capital risque et leur avidité, cela conduit à subventionner des projets inutiles tels que le captage et le stockage du carbone et les machines de captage direct dans l'air, au lieu des nombreuses solutions plus efficaces. D'une manière générale, le leadership des élites sur les questions environnementales conduit à des sentiments, des politiques, et des initiatives qui sont hypocrites, inefficaces, injustes, de plus en plus autoritaires et ne servent que les intérêts financiers d'une minorité, pendant qu'est marginalisée toute attention portée aux mesures politiques qui pourraient vraiment nous aider. Comme je l'expliquerai au chapitre 11, les écolibertaires commencent à comprendre la nécessité de reprendre le climat aux élites dont les idées, les investissements, les vies et les mensonges sont à l'origine du problème. Cela s'inscrit dans le cadre d'une grande réappropriation de notre pouvoir sur les agents et les projets de la modernité impériale. Il est essentiel que les défenseurs-défenseuses de l'environnement se défassent de leur déférence à l'égard de la climatologie établie et qu'ils et elles soient munis d'une vision d'ensemble que les scientifiques étroitement formés, privilégiés et carriéristes n'ont pas. Le fait de confier à des climatologues le soin de défendre le contenu et la stratégie du changement social, alors qu'ils et elles n'ont aucune formation en sciences sociales et politiques et que leur expérience de vie est très limitée, ne se limite pas à désinformer le public qui se sent concerné par ces questions, comme je l'expliquerai plus en détail dans les chapitres 7 et 8. Cela met également en évidence la déférence envers l'establishment qui a envahi l'environnementalisme occidental et l'a rendu inutile, comme le montrent les statistiques relatives à tous les indicateurs environnementaux des 40 dernières années. À moins que cela ne change, les militants-militantes climatiques occidentaux-occidentales continueront à être les idiots-idiotes utiles des investisseurs-investisseuses en capital risque vert, et potentiellement les complices des autoritaires, un sujet sur lequel nous reviendrons dans les chapitres 11 et 13. Cette corruption de l'environnementalisme par les élites et l'acceptation de cette corruption par les écolos de la classe moyenne occidentale provoquent une réaction de rejet de plus en plus forte. Le nouveau climato-scepticisme dans lequel j'ai ouvert ce chapitre présente un certain nombre d'arguments auxquels il faut répondre. Tout d'abord, ces sceptiques affirment que les mondialistes se concentrent sur le climat d'une manière qui fait perdre de vue toutes les autres questions importantes, telles que l'énergie abordable, la nutrition, l'éducation, etc. Cela ne tient pas compte de la façon dont le changement climatique nuit au bien-être des personnes et tout particulièrement à celui des pauvres. Cependant, ces critiques ont raison de souligner que se focaliser véritablement sur la poursuite du net zéro, si cela se produisait, causerait de nombreux problèmes sociétaux. Comme nous l'avons vu au chapitre 3 sur l'approvisionnement en énergie, et comme nous le verrons dans le chapitre suivant sur l'approvisionnement alimentaire. Au lieu de cela, le programme politique sur le climat doit englober bien plus d'éléments que les seules réductions d'émissions carbonées et donner la priorité à la reforestation durable et à l'agroforesterie, comme je l'ai décrit précédemment. Il doit aussi être centré sur la redistribution économique afin que les changements de mode de vie soient assumés principalement par les élites hypocrites qui ont détourné l'agenda climatique. Deuxièmement, les sceptiques de l'action climatique affirment que le sujet est instrumentalisé par les élites pour tenter de créer des infrastructures de contrôle totalitaire. Bien que certaines de ces idées puissent sembler exagérées, la montée de la surveillance et de la censure suscite des inquiétudes légitimes, comme nous le verrons au chapitre 13. Au lieu de cela, l'agenda politique sur le climat pourrait se concentrer sur la possibilité pour les gens ordinaires et les petites entreprises de réensauvager leur quartier et de raccourcir leur chaîne d'approvisionnement pour la production des produits de base. Troisièmement, les sceptiques soulignent le ton misanthrope de certaines écologistes, preuve que nous pourrions être à l'aube d'un autoritarisme brutal. Malheureusement, il s'agit là d'une préoccupation légitime, comme je l'expliquerai au chapitre 11 et 13. Au lieu de cela, les programmes militants et politiques doivent identifier la véritable cause de la destruction, à savoir un système capitaliste expansionniste, et chercher à supprimer les obstacles qui empêchent les gens de se préoccuper davantage de leur environnement. D'une certaine manière, toutes ces idées visent simplement à revenir à l'environnementalisme tel qu'il existait avant son détournement par les élites. J'ai ouvert ce chapitre en soulignant les nouvelles théories du complot qui prétendent que le changement climatique est un canular au service d'un contrôle totalitaire mondial. Ce point de vue est en train de devenir un moyen efficace pour les gens de transformer leur sentiment d'impuissance et canaliser leurs angoisses sur l'état du monde vers une colère contre un ennemi particulier. Toutefois, il s'agira d'une fuite émotionnelle de courte durée face à la réalité d'un climat en mutation. S'insurger contre les personnes qui répondent mal à un problème ne signifie pas qu'il n'y a pas de problème à résoudre. Et comme je l'expliquerai dans le chapitre suivant, les changements climatiques actuels sont un facteur important qui menacera l'accessibilité des denrées alimentaires dans un avenir proche. S'emplir d'une vaine indignation face aux abus des élites ne nous apportera pas notre pain quotidien. Au contraire, nous avons besoin de notre propre plan d'action. C'est ce dont traite ce livre. Oui, tout peut vraiment changer. Les climatologues n'ont pas fait un travail parfait en matière de science ou de communication. Ils et elles ont simplifié la situation en la réduisant à une histoire de GES carbonée, alors qu'il ne s'agit pas que de cela. Et par l'intermédiaire du GIEC, pendant des décennies avant 2018, ils et elles ont sous-estimé la proximité et l'étendue des risques pour les sociétés. J'ai montré comment cela a contribué au détournement de l'ordre du jour par les élites et à une discussion aujourd'hui confuse sur le changement climatique. Pour corriger ces erreurs, je pense que davantage de chercheurs-chercheuses pourraient résumer la situation comme suit. Ce n'est pas le changement climatique qui importe pour les écosystèmes et les sociétés, mais la rapidité avec laquelle le climat change. Ce ne sont pas seulement les niveaux de GES carbonés qui importent pour le climat, mais la rapidité avec laquelle ils augmentent, ainsi que les autres facteurs de réchauffement qui se produisent et que ces gaz peuvent alors amplifier jusqu'à un effet potentiellement catastrophique. Ce ne sont pas seulement les changements mondiaux qui importent, mais aussi des impacts régionaux, comme dans l'Arctique et en Amazonie, qui pourraient menacer l'espèce humaine et qui exigent notre attention immédiate. Ce n'est pas seulement la réduction des émissions qui doit être prioritaire, mais l'augmentation de la couverture forestière durable sur un plus grand nombre de terres. Ce n'est pas seulement la réduction du risque de réchauffement catastrophique qui importe, mais la préparation équitable aux perturbations. Ce n'est pas seulement le climat qui doit être considéré comme une catastrophe, mais la façon dont les systèmes économiques qui ont conduit à cette catastrophe ont ensuite fortement retardé et faussé notre réponse. Une évaluation sobre de cette situation est que l'humanité n'est pas maîtresse de son destin. Si nous manquons de chance avec les facteurs d'influence sur le climat mondial qui ne sont pas dus au GES carboné, la situation pourrait devenir bien pire que selon les pronostics du GIEC. En tout état de cause, le climat plus instable que nous connaissons déjà et dont nous subirons de plus en plus les effets va se combiner avec toutes les autres fractures fragilisant les fondations des sociétés modernes, ne laissant aucun endroit intact, y compris les régions qui ont le moins contribué à cette situation et qui en souffrent déjà le plus. En soi, cela constitue une injonction morale à assurer le bien-être des habitants, habitantes des forêts et de toutes celles et ceux qui défendent les environnements forestiers aujourd'hui. Hélas, face aux informations terrifiantes que j'ai déjà évoquées dans ce chapitre, ainsi qu'aux perturbations survenant dans leur propre vie, de nombreuses personnes répondent en s'attachant à l'un ou plusieurs des quatre récits suivants. Nous avons encore le temps. La technologie va régler le problème, c'est un canular, ou bien tout ça n'est pas très clair et je n'ai pas le temps de m'en préoccuper. En outre, d'autres personnes affirment qu'elles acceptent les données scientifiques les plus préoccupantes sur le changement climatique, mais adoptent ensuite le point de vue selon lequel il ne sert à rien de changer quoi que ce soit dans leur vie. D'après mon expérience, ces personnes ne prennent pas réellement à cœur ce qui se passe, ce qui va se passer, et les impacts que cela aura sur tout ce qu'elles tiennent pour acquis à propos d'elles-mêmes, de leurs proches et du monde en général. Au contraire, laisser la terrible situation du changement climatique vous bouleverser et transformer votre approche du reste de votre vie, sur les plans personnels, professionnels et politiques, est quelque chose d'admirable. Cela peut vous conduire à entreprendre différentes activités en faveur du bien commun, qui ne nécessite plus de prétendre qu'on puisse empêcher l'effondrement sociétal du fait du chaos climatique et d'autres facteurs. Connaître de telles personnes, dont certaines sont mentionnées au chapitre 12, m'a soutenue pour l'écriture de ce livre.